Mais non, madame, nous sommes les yeux sur la ligne. Raccrochez. Vous êtes avec une abonnée. Mais madame, raccrochez vous-même. Allô, mademoiselle. Mais non, ce n'est pas le docteur Schmidt. Mais c'est Romit. Passez ensuite. Allô, c'est ridicule. On me demande. Je ne sais pas. Cette vraie supplice est de t'entendre à travers tout ce monde. Oui. Oui. Non. C'est une chance. Je rentre il y a 10 minutes. Tu n'avais pas à quoi appeler. Non, non. J'ai dîné dehors. Chez Marc. Il doit être 11h15. Tu es chez toi. Allô, la guerre de la pendule électrique. C'est ce que je pensais. Oui, oui, mon chéri. Hier soir. Hier soir, je me suis couchée tout de suite. Et comme je ne pouvais pas dormir, j'ai dit, j'ai comprimé. Laisse-moi qui suis stupide. Tu es gentil, tu es gentil. Moi non plus, je ne me croyais pas si forte. Quelle comédie ? Allô ? Qui ? Que je te joue la comédie ? Moi ? Tu me connais, je suis incapable de prendre sur moi. Pas du tout. Je dis, tu l'entendrais. Je n'ai pas la voix d'une personne qui cache quelque chose. Non, j'ai décidé d'avoir du courage et j'en aurai. J'ai ce que je mérite. J'ai voulu être folle et avoir un bonheur fou. Chérie, écoute. Allô, chérie, laisse, allô. Laisse-moi parler, ne t'accuse pas, tout est ma faute, si, si. Maintenant, c'est moi qui ne t'entends plus. chacun son tour. Non, très bien. J'entendais les mieux que tout à l'heure, mais ton appareil résonne. On dirait que ce n'est pas ton appareil. Mademoiselle, on m'a coupée. Je ne sais pas. C'est-à-dire? Si. Attendez. 320407. Thank you. madame. On nous avait coupé avec monsieur. C'est quoi? plancher. Je ne pouvais pas. J'étais très malade. Tu sais quelquefois Thank you.

que le bureau nous coupe par hasard. Oh, mon chéri, comment peux-tu imaginer que je pense une chose si laide? Je sais bien que cette opération est encore plus cruelle à faire de ton côté que de mien. Marseille. Écoute, chérie, puisque vous serez à Marseille après-demain soir, je voudrais... Enfin, j'aimerais... Yeah.